Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo sur le monde de la mode et sur un sujet que finalement j'ai pas tellement abordé beaucoup sur cette chaîne, beaucoup plus sur mon blog, qui est le sujet de la slow fashion dans son ensemble, donc qui est un terme très global qui veut un peu tout dire et rien dire. Mais je voulais quand même pointer une problématique, quelque chose dont on ne parle pas beaucoup parce que c'est pas un sujet glamour et parce qu'on a envie de se fermer les yeux, de ne pas voir certaines choses, parce que ça nous arrange bien, parce que c'est plus facile. Mais en gros, la slow fashion, pourquoi vouloir changer sa manière de consommer? Et donc, dans cette vidéo, je vais pointer vraiment quels sont les problèmes du monde de la mode aujourd'hui, si on peut encore appeler ça le monde de la mode finalement, ou en tout cas le problème par rapport à notre consommation de vêtements. Les sweatshops, qui sont une réalité dont quasiment tout le monde en a déjà entendu parler, je pense. Ne sont pas le seul argument pour changer sa manière de consommer. Il y a vraiment plein de choses auxquelles il serait bon de penser. Et je sais que c'est beaucoup plus facile de choisir, de fermer les yeux là-dessus, de se dire que tout ça, on peut rien y faire et de continuer à faire comme on fait. Mais mon ambition via la chaîne et le blog, c'est de faire changer les habitudes de consommation des gens. Je me rends compte que j'ai énormément de gens qui me regardent qui sont déjà convaincus qu'ils doivent changer ou qu'ils ont envie de changer. Et j'ai vraiment envie de délivrer un message beaucoup plus global pour tout le monde, pour vraiment comprendre. Et aussi pour les gens qui, par exemple, qui ont déjà adopté la slow cosmétique ou qui achètent des aliments bio mais qui continuent à acheter leurs vêtements dans le circuit de la fast fashion et qui ne pensent pas au-delà. J'ai vraiment envie j'espère, d'amener ce message un peu plus globalement. Donc j'espère que vous serez prêts à vous ouvrir à ce que je vais vous raconter. Encore une fois, c'est pas agréable à entendre parce qu'on se rend compte qu'on consomme de manière vraiment atroce. Mais je pense que ne serait-ce que pour la culture générale, même si après on décide de continuer à vivre comme avant, c'est quand même bien de savoir ce genre de choses et d'en être conscient. Donc je me renseigne depuis un bon moment sur tout ça et surtout voilà, ce qui m'avait beaucoup touchée sur la mode, c'était tout ce qui était sweatshop. J'en reparlerai très vite après, mais je pense que tout le monde voit un peu ce que c'est. Et j'ai vraiment été beaucoup plus loin dans ma réflexion, dans mes recherches et dans ce que je savais en lisant le livre La planète bazar. J'ai fait un article sur mon blog si ça vous intéresse, qui est un livre qui parle vraiment de la consommation dans son ensemble, donc qui parle vraiment de la consommation de tout, de notre manière de consommer aujourd'hui, donc de vouloir des choses toujours moins chères, etc. Et tous les problèmes environnementaux et sociaux que ça provoque, parce que c'est une chose de ne pas être convaincu qu'en changeant nos habitudes, on peut avoir des incidences sur le climat. C'en est une chose d'accepter de consommer des objets en étant conscient qu'on fait du mal à des gens, qu'on fait du mal à des gens qui sont de notre espèce. Donc encore une fois, il y a des gens qui ne sont pas du tout touchés par la cause animale, mais ne pas être touchés par ce qu'on fait à des gens de notre propre espèce, c'est quand même un truc assez choquant, je trouve. Et en même temps, j'ai été comme ça pendant des années, je n'ai pas réfléchi pendant des années, tout simplement parce que je ne savais pas, donc ça me semblait important d'attirer l'attention des gens là-dessus. Et des livres justement comme La planète bazar ne sont pas hyper accessibles, déjà parce que c'est pas ça qu'on a en tête de rayon dans les librairies, on va dire honnêtement, et parce que c'est pas une lecture spécialement agréable. Moi ça m'intéresse beaucoup, donc j'ai beaucoup aimé lire ce livre, mais quand on a envie de se vider la tête un peu, de faire un truc divertissant, on n'a pas spécialement envie de lire ce genre de choses. Et si on n'est pas attiré par le sujet à la base, on n'a pas envie de lire ce genre de livre non plus. Donc, tout ça pour dire que cette vidéo va reprendre tout ce que j'ai retenu vraiment niveau vêtements et ce que notre mode de consommation actuel pose comme problème. Je suis aussi en train de lire un autre livre qui s'appelle Overdressed, qui n'existe pour l'instant pas en français, qui est totalement ciblée sur l'industrie de la mode, donc j'en ferai aussi une review sur le blog pour voir les choses que j'ai apprises. Mais pour l'instant, c'est assez similaire par rapport à ce que j'ai lu dans l'autre livre, sauf que ça retrace vraiment l'histoire de la mode, etc. Aussi un livre très intéressant à lire si vous vous intéressez à la mode, à son historique et à son côté économique. C'est super intéressant, mais il n'existe qu'en anglais pour l'instant, enfin en italien et dans plusieurs langues asiatiques bizarrement. Et donc on va maintenant entamer le sujet de cette vidéo. Donc la cause, enfin, donc le problème le plus évident avec la mode pas chère, ce sont les sweatshops, donc les ateliers de la sueur, on pourrait traduire ça un peu vulgairement, c'est-à-dire ces endroits à l'autre bout du monde où des gens travaillent dans des conditions horribles, parfois dans des conditions qui ne enfin, ils sont même pas déclarés, ils travaillent en noir, ils sont exploités, il y a de l'esclavagisme, etc. C'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu et il y a eu le fameux gros incident à Rana Plaza en Inde, je pense. Ou en Bangladesh, je ne sais plus, mais loin de chez nous. Encore une fois, vous verrez que cette notion de loin de chez nous va revenir plusieurs fois dans mes explications. Où en fait, il y a eu une énorme usine qui s'est effondrée, qui a pris feu, je ne sais plus. Et là-dedans, il y avait des gens qui faisaient des vêtements pour H&M, Zara, etc. Malgré tout, je trouve qu'on n'en a pas autant parlé, par exemple, tout bêtement, en prenant un exemple très récent, que on a parlé mille fois moins que du mariage princier en Angleterre ou ce genre de choses, ou du futur bébé de la telle ou telle sœur Kardashian, donc ce qui est un petit peu dommage. Pourtant les médias ne se gênent pas pour nous parler de guerre, des attentats, etc. Mais bizarrement, Rana Plaza, je trouve que ça n'a pas fait tant de bruit que ça, alors que c'est quand même quelque chose d'horrible et quelque chose que les gens devraient, enfin, dont les gens devraient être conscients. Donc les sweatshops, comme je disais, c'est vraiment des ateliers de l'horreur où les gens travaillent les uns sur les autres, parfois dans des conditions d'esclavagisme, ou alors ils travaillent de leur plein gré, mais parce qu'ils n'ont pas le choix et ils touchent rien, ils font des heures de dingue, ils sont obligés de vivre dans des cases juste à côté de l'usine et de laisser leur famille derrière eux. Et des images assez choquantes qu'on a vues sur des sweatshops. Donc sweatshop, ça veut dire sweat, c'est la sueur, suer. Parce qu'en fait, donc c'est fermé, vu que souvent il y a des choses illégales qui se passent là-dedans, c'est fermé, vu que c'est dans des pays où il fait souvent chaud, c'est hyper chaud, il y a les machines qui fonctionnent, etc. Les gens sont les uns sur les autres. Et ils manipulent plein de produits chimiques, en fait, ne serait-ce que pour teindre les vêtements la plupart du temps. Et on avait vu des photos filtrées de femmes qui, parce que c'est souvent des femmes et des enfants qui travaillent dans ces usines, donc encore une fois, penser à la cause féministe et aux droits des enfants, ça fait un peu mal au cul de se dire qu'on cautionne ça. Donc on voyait des femmes qui travaillaient à torse nu tellement elles avaient chaud, avec leurs seins qui baignaient dans les résidus toxiques de coloration des textiles, etc. Et il va sans dire que tous ces produits chimiques occasionnent énormément de cancers, et donc énormément de femmes là-bas développent des cancers du sein, sachant qu'elles sont payées une misère, que là-bas il n'y a pas la médecine comme il y a chez nous, et que de toute façon elles ne pourraient pas se les payer, et que évidemment les entreprises qui sous-traitent dans ces usines de l'abomination, je veux dire, n'interviennent évidemment pas. C'est pas le géant H&M qui se fait des roubignoles en or qui va payer pour le cancer des pauvres femmes qui teignent ces t-shirts au Bangladesh, hein, autant vous le dire. Donc ça, c'est une chose qui est assez effarante. Le travail des enfants, je suis assez choquée de voir des femmes, je parle de femmes parce que l'industrie de la mode touche beaucoup plus les femmes, mais on peut parler d'hommes aussi, des gens en général, mais je vois pas mal de femmes qui sont vraiment gaga avec leurs enfants, qui sont vraiment en train de dire des trucs du genre « mon enfant c'est ma vie », etc. Et en même temps, ces mêmes femmes qui achètent des vêtements fabriqués dans des pays où on fait travailler des enfants dès l'âge de 7-8 ans parfois, de manière tout à fait illégale évidemment. Et donc quand vous achetez des t-shirts à 1€, des robes à 5€, etc. sur des sites asiatiques, il faut vous dire qu'il y a de grandes chances que ce soit des enfants qui soient exploités pour les fabriquer. Faut pas vous voiler la face. Donc pensez qu'il y a des enfants quelque part à l'autre bout du monde qui fabriquent vos vêtements, que ces enfants ont des parents aussi, ont des frères et sœurs, dont ils sont peut-être même séparés à cause de ce travail forcé, qui sont exploités, qui vont développer des maladies super tôt, qui vont vivre vraiment pas vieux, que voilà, il y a des mères à l'autre bout du monde qui sont séparées de leur famille pour aller teindre vos t-shirts pas chers, etc. Je pense que ça mérite quand même un petit peu de réflexion et un petit peu de remise en question. À un moment, je sais que c'est pas drôle, je sais que c'est pas gay, je sais qu'on a envie de pas penser à ça, mais je pense que ce serait bien d'y penser quand même. Et alors, si tout se fait très loin, évidemment, d'un côté, c'est parce que les gens sont payés beaucoup moins cher dans ces pays, mais il faut aussi penser que si ça se fait aussi loin de nos yeux, c'est parce que les gens qui produisent ces vêtements, enfin qui vendent ces vêtements, sont tout à fait ok de sous-traiter des gens, comment dire, d'exploiter des gens. Alors, c'est jamais eux, évidemment, c'est leurs sous-traitants, alors ils savent rien, évidemment. Mais personne n'a envie de voir son semblable, à moins que ce soit votre meilleur ennemi, mais personne n'a envie de voir ses semblables exploités, dans la misère, en train de souffrir, à moins d'être un psychopathe. Et donc en faisant ça très loin, bah, personne ne le voit, et même les marques qui cautionnent ça directement ou indirectement, elles ne voient pas ça. Et tout simplement on se dit que ça n'existe pas, ou c'est tellement loin que ça ne nous touche pas. Alors que c'est pas parce qu'une personne est chinoise ou indienne ou que sais-je qu'elle ne mérite pas plus que vous la vie, et qu'elle ne mérite pas de travailler dans des bonnes conditions, etc. Alors à l'étranger, enfin dans certains de ces pays, malheureusement, on ne peut pas appliquer aussi bien les lois sociales, ou il n'y a pas de loi sociale parfois, il faut être conscient de ça. Donc les gens n'ont pas le droit de demander d'augmentation, les gens n'ont pas le droit de se rebeller s'ils sont payés moins que le salaire minimum garanti, les gens n'ont pas d'assurance maladie alors qu'ils se chopent plein de maladies à cause du boulot qu'ils font, il n'y a pas de normes de sécurité, donc c'est pour ça que des usines prennent feu ou s'effondrent. Donc voilà, c'est vraiment une misère, et c'est vraiment quand on achète des vêtements à ces prix-là, quand on accepte de ne pas regarder les étiquettes, quand on accepte de consommer, consommer, consommer juste pour son plaisir sans réfléchir à tout ça, on cautionne tout ça. Il faut quand même prendre conscience de tout ce qu'il y a derrière. Après, si vous dites ok, je m'en fous, je continue, vous êtes seul face à votre conscience, mais au moins soyez ouvert et soyez au courant de ce qui se passe et de la situation. Alors, beaucoup de gens se plaignent que les étrangers qui viennent vivre dans nos pays nous volent notre boulot. Il faut savoir que le fait de cautionner tout ce système économique de la surconsommation, le fait de vouloir acheter toujours moins cher, et l'industrie de la mode est très impactée par ça. Ça implique que quasiment tout le monde doit exporter son travail, que tout le monde doit délocaliser. Donc s'il y a plein d'emplois qui ne sont plus disponibles pour nous dans nos pays, c'est en partie parce qu'on a tout fait, enfin parce qu'on ne veut plus payer un prix correct, et donc on ne veut plus payer indirectement un salaire correct à un travailleur. Et donc toutes les marques qui doivent produire pour les grandes masses, je dirais, sont obligés de délocaliser, et donc ça fait perdre plein d'emplois aux gens. Alors certaines personnes disent oui, mais si on arrête d'acheter des t-shirts produits dans ces pays-là, ces gens-là n'auront plus de boulot. C'est pas vrai. Le truc, c'est que ces gens ont du boulot, ou si on peut appeler ça du boulot dans certains cas, parce qu'ils n'ont pas le choix et ils sont obligés de prendre des boulots qui sont sous-payés, comme je disais, enfin voilà, tout ce que j'ai déjà dit avant. Donc pour moi, c'est même pas un boulot, c'est de l'esclavage. Si on acceptait de payer un prix juste, si on acceptait de ne pas vouloir des choses juste parce que c'est à la mode cette semaine, et puis de jeter après, si on consommait autrement, ce type d'économie n'existerait pas, ou très peu, et on serait obligé de créer des vrais emplois dans ces pays qui sont bien payés, et les gens auraient accès. C'est pas pour autant qu'on pourrait pas faire produire nos trucs à l'étranger. On les paierait un petit peu plus cher, mais on les aurait peut-être un petit peu moins vite, mais en même temps, les gens seraient payés le salaire correct par rapport au pays, sachant que 1 euro ici et 1 euro en Inde ne valent pas la même chose. Il y a toujours du profit quand on produit à l'étranger dans ce genre de pays, donc faut arrêter de vouloir aller dans les extrêmes, quoi. Si on acceptait de payer le prix juste, il y aurait des emplois juste à l'autre bout du monde, comme il y aurait aussi plus d'emplois juste chez nous, et il y aurait vraiment un petit peu plus de... de juste milieu, en fait, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une époque où on n'a que les vêtements bon marché de et les vêtements haute couture et luxe. En fait, ça, c'est un truc que j'ai lu dans le livre Overdressed, c'est que enfin, c'est un peu long pour tout expliquer, mais le fait que quasiment tout le monde ne veuille que des vêtements pas chers, jetables, ça a vraiment créé un gap entre justement la mode de la rue et la mode de luxe, qui fait qu'il n'y a plus de marques qui se positionnent au milieu, et ça a augmenté les prix du luxe, en fait, de manière indirecte. Donc voilà, super intéressant à lire si vous avez l'occasion. Et justement, le fait d'avoir des vêtements jetables, alors ça vaut pour tout, pour les gadgets qu'on achète, pour tout ce qu'on achète qui ne sert à rien, dont on n'a pas vraiment besoin. Évidemment, ça crée énormément de pollution. Donc l'industrie de la mode est l'une des plus polluantes parce que pendant la production, elle est très polluante. Aussi, chose que j'ai pas encore dite, c'est que on crée des nouvelles fibres textiles pour les vêtements, pour créer des trucs qui se repassent facilement, qui ne doivent pas se repasser, qui sont pas inflammables, pour créer des nouvelles couleurs, etc. Plein de fibres modernes sont des dérivés de plastique, et le plastique, si vous ne le saviez pas, c'est fabriqué avec du pétrole. Donc là, voilà, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus pour vous dire que c'est très polluant. Mais en plus, comme on achète des vêtements qui s'abîment super facilement, des trucs de tendance, qu'on se lasse très vite parce que voilà, cette semaine-ci, tout le monde doit s'habiller avec tel truc, et puis dans 2 semaines, ce sera démodé. Comportement complètement aberrant voilà, qu'on n'aurait jamais imaginé il y a 15 ans, je pense. À force d'acheter ce genre de vêtements, on se retrouve à jeter vraiment rapidement parce que déjà les vêtements sont de mauvaise qualité, alors les coutures se défont, le tissu se déforme, etc. Donc on peut pas garder ces vêtements longtemps, on peut pas les laver beaucoup de fois. En plus, comme on achète des vêtements hyper à la mode, mais juste sur l'instant, très vite c'est démodé, donc on peut pas non plus les revendre. Parfois ils sont même en trop mauvais état pour qu'on les mette dans des containers de récupération de vêtements. Ils sont en trop mauvais état pour donner à des associations, etc. Donc c'est vraiment une industrie hyper polluante depuis le début jusqu'à la fin, en tout cas de la manière dont on la consomme le plus souvent, c'est-à-dire la fast fashion et voilà, les grandes chaînes, etc. Évidemment, il existe des alternatives. Les alternatives, c'est ce que je vous propose le plus souvent sur le blog et sur la chaîne, et ça peut se résumer très facilement. C'est déjà de prendre soin de ses vêtements et de ne pas avoir trop de vêtements. Même si on aime la mode, c'est pas pour autant qu'il faut avoir 50 nouveaux vêtements par an, c'est pas pour autant qu'il faut en changer tout le temps, et c'est pas pour autant qu'il faut s'habiller comme tout le monde non plus. Donc prendre soin de ses vêtements, avoir un nombre raisonnable de vêtements, et ensuite acheter des vêtements qu'on aime vraiment. Donc de nouveau, ne pas s'accrocher aux modes absolument, ne pas vouloir toutes les nouveautés qui sortent, mais acheter des vêtements. Parfois investir un peu plus dans un vêtement qui va durer longtemps. Alors ça, c'est l'idéal quand on peut, c'est d'acheter des marques qui sont vraiment de qualité. Si possible, des marques dont on peut s'assurer qu'elles ne produisent pas dans des sweatshops. Et acheter de seconde main, parce que les vêtements de seconde main, déjà, on leur donne une nouvelle vie parce qu'on ne va pas les jeter. Et ça permet de ne pas réenrichir comment dire, les sociétés qui cautionnent tout ça, qui vendent des vêtements qui sont issus de la mode pas éthique. Et c'est aussi bon pour le budget. Donc soit on achète des trucs de marque pas éthique et de toute façon on continue à faire vivre le vêtement, soit on achète des marques un peu moins dégueulasses, et on a des trucs qui vont durer plus longtemps et qui nous ont coûté moins cher, et on fait vivre toujours l'économie plutôt collaborative, locale, plutôt que d'enrichir des gros géants qui s'enrichissent déjà bien sur le dos de pauvres personnes à l'autre bout du monde. Donc voilà, j'espère que cette vidéo ouvrira la réflexion pour pas mal de gens. J'espère qu'elle sera vue par suffisamment de personnes qui peuvent encore justement réfléchir là-dessus, outre les gens qui me suivent habituellement. N'hésitez pas à parler de ça. Je sais que c'est un sujet difficile à aborder, que c'est pas glamour, que c'est pas sexy, que ça casse l'ambiance. Mais si vous avez des convictions, n'hésitez pas à entamer la discussion avec vos amis qui justement ne consomment pas de manière très éthique, qui gaspillent. Essayez un peu de mettre les choses sur la table petit à petit, même si c'est pas tout de suite perçu de manière positive ou ouverte, au moins Ça peut toujours résonner dans l'esprit des gens plus tard, petit à petit. Et qui sait, peut-être que nous arriverons à faire machine arrière et à inverser un peu la tendance. Beaucoup, ce serait même génial. Parce que ce soit l'industrie de la mode ou le reste, si on continue à consommer de cette manière, on est en train de détruire la Terre, on est en train de détruire les gens. Voilà, j'espère que cette vidéo sera bien reçue. N'hésitez pas, si vous débarquez, à venir voir le blog et la chaîne pour plus de sujets sur la vie slow, donc pour une meilleure façon de consommer, une autre façon de penser et pour prendre un peu ses responsabilités. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'on se retrouve une prochaine fois.